Votre expérience au Nigeria vous a permis d'approfondir une critique des institutions financières, internationales et féminines, banques mondiales, et la division internationale et sexuelle du travail, mais également les questions d'écoféminisme. Vous avez été cofondatrice de la campagne Wages for Housework, un salaire pour le travail ménager. Trois de vos ouvrages majeurs ont été publiés en français, Caliban et la sorcière en 2014, édité chez Tout le Monde, Point Zéro, Propagande de la Révolution en 2016, et récemment Le capitalisme patriarcal en 2019, édition de La Fabrique. Voilà, donc pour nous, vous lire ne signifie pas seulement la compréhension des différents mécanismes de l'exploitation capitaliste, donc salariat, plus-value, travail domestique, etc. Mais c'est aussi pour nous un outil pour les luttes féministes antiracistes et révolutionnaires. L'articulation que vous faites entre la critique du capitalisme, le racisme et le patriarcat représente l'expérience que nous faisons de la lutte des classes, des situations que nous observons et que nous combattons. Donc, plusieurs problématiques sous-tendent votre travail et nous paraissent importantes pour la lutte féministe actuelle, justement dans sa dimension révolutionnaire. Donc, tout d'abord, la centralité du travail qui permet la reproduction de la société et du même coup, la mise en lumière du travail invisible effectué par les femmes, souvent assimilé à une double journée de travail. Ce faisant, l'analyse du travail reproductif que vous proposez permet de comprendre que le genre est un rapport social sans cesse reproduit et reconfiguré par le capitalisme à l'échelle internationale. Et donc, il est fondamentalement lié à une division sexuelle du travail, donc entre travail productif et travail reproductif. Et enfin, un point qui nous a paru important aussi pour la temporalité de la lutte, c'est que pour vous, l'accumulation primitive n'est pas une période momentanée dans l'histoire et dans le temps. Donc ce n'est pas un temps qui serait dépassé, mais c'est un processus cyclique qui est nécessaire à l'accumulation du capital. Et cette phase de l'accumulation primitive qui produit et reproduit les identités de genre nous paraît justement très importante parce qu'elle nous permet de considérer l'histoire de manière non linéaire et donc le communisme aussi comme une lutte ininterrompue contre le capitalisme. Mais nous vous laissons développer ces problématiques. Nous aurons beaucoup de questions après votre exposé et nous vous remercions surtout beaucoup de votre venue. Merci beaucoup à tous qui ont organisé cet événement. Et bon, c'est un plaisir d'être à Lyon pour la première fois. C'est beaucoup de temps que je voulais venir à Lyon, mais je n'avais jamais l'opportunité. Alors, je suis très contente aujourd'hui d'être ici. Alors, le livre, non, le capitalisme patriarcal, non, recueille des réflexions, des articles, non, qui ont commencé dans les années 70 avec le mouvement féministe. Lorsque j'ai milité dans le mouvement féministe, il y avait un grand débat, non, sur les racines de la forme particulière, spécifique d'exploitation, d'oppression de la femme, des femmes dans la société capitaliste, non. Et comme beaucoup de femmes, surtout des femmes qui venaient de la gauche comme moi, donc nous avons commencé à lire de nouveau Marx et les fondateurs du pensée socialiste pour comprendre non, la racine de l'oppression des femmes. Mais on s'est rendu compte très tôt que Marx ne pouvait pas nous aider. Alors, non, Marx, comme moi, il y a beaucoup de féministes socialistes qui sont très, très convaincus, non, que Marx a donné un grand contribut à la théorie féministe, non. Et c'est vrai que depuis son premier ouvre, non, Marx s'est prononcé beaucoup de fois contre les relations patriarcales, comme vous savez. Par exemple, dans l'idéologie allemande, elle parle de l'esclavitude qu'il y a, de l'esclavage qu'il y a dans la famille, et aussi dans le manifeste communiste, non, elle parle de, non, que la femme dans la famille bourgeoise est une propriété privée, que son fonction c'est la transmission de la propriété privée, non? Bon, il y a aussi d'autres lieux, et surtout, et dans ce lieu, je suis d'accord, non, Marx a contribué à dénaturaliser, non, les identités sociales. Ça, c'est très important aujourd'hui aussi, non, sa conception de la nature humaine comme un produit historique, comme un produit social, non? Alors, a été très important pour le mouvement féministe aussi, parce qu'il a dénaturalisé ce que s'appelle la féminité, non? Il a montré que la féminité est un produit historique, alors qu'il peut changer et peut être complètement démantelé, non? Mais lorsque nous avons commencé à chercher de comprendre pourquoi les femmes sont discriminées, subordonnées à des hommes dans la société capitaliste, alors nous avons vu que Marx nous pouvait aider. Parce que déjà, non, dans les années 70, on comprenait que pour comprendre la situation des femmes dans le capitalisme, on devait partir de la reproduction. Non, la reproduction, c'est un concept qui couvre beaucoup, beaucoup d'activités, non? Parce que c'est beaucoup d'activités qui servent à reproduire la vie chaque jour, non? Mais dans le capitalisme, on était subordonné, non, à la production de la force laborale, de la force travail. Et on espérait de trouver un Marx, une analyse de tout ça, non? Mais pratiquement Marx jamais. Il parle beaucoup des femmes, du travail des femmes, mais toujours dans les usines. Non, le travail des femmes, il le voit seulement lorsque les femmes entrent dans les usines. Pas auparavant, non? Alors, il y a seulement deux notes, non? Deux références dans deux notes, à pied de page, où il parle du travail domestique, par exemple, non? Et c'est pour dire que pratiquement, non, dans les communautés industrielles, il n'y avait pas de travail domestique, non? Dans une note, il dit que quand les ouvrières sont tous les jours dans la fabrique, dans les usines, ils doivent acheter, non? Ils sont habitués à acheter beaucoup de choses qu'une fois les femmes produisaient à la maison, non? Et il y a une autre note où il observe ironiquement, non, qu'il a fallu une guerre civile, non, la guerre civile, non, pour l'abolition de l'esclavage dans les États-Unis, parce que les ouvrières de l'industrie textile en Angleterre pouvaient avoir une vacance et apprendre à, comment on dit, cousir. Bon, et ça c'est vraiment étonnant, surtout parce que non, Marx, le même Marx nous a dit dans le premier volume du Capital, nous a dit que la force travail, la force laborale n'est pas une chose donnée, n'est pas une chose qu'on peut trouver sous les arbres, mais doit être produite et reproduite chaque jour, parce que le processus de travail, la use, la consomme, on régresse, on retourne au soi, consommer, non, exhauster. Mais sa description, la description qu'il fait, non, la description qu'il fait de comme le travailleur se reproduit, est très drôle, est vraiment drôle, parce qu'il dit pratiquement que les ouvriers, le travailleur, prendre le salaire, et avec le salaire, non, ils comprent, ils vont acheter les nécessités de la vie, non? Et les nécessités de la vie sont, non, les choses à manger, sont les choses à vêtir, sont les choses pour se réchauffer, et c'est tout. Ils ne parlent pas du sexe, ils ne parlent pas de quelques formes de travail domestique de reproduction, non? Lorsqu'il a mis que les capitalistes ont besoin aussi de reproduire la nouvelle génération de travailleurs. Non, ils ont besoin de nouveaux travailleurs. Mais il dit, bon, quant à la procréation, les employeurs, les capitalistes peuvent faire confiance dans l'instinct reproducteur du travailleur. Alors il y a un instinct de préservation et il n'y a pas besoin d'incentiver la procréation. Non, il présume qu'il y a un intérêt égal, un égal intérêt entre les hommes et la femme, non, qu'on respecte à la procréation. Il ne voit pas que la procréation peut être et était déjà à son temps un terrain de lutte, un terrain de contestation, de lutte, parce que les femmes avaient peur de la procréation, non, beaucoup de fois. Non, il y avait une haute mortalité infantile, mais aussi une haute mortalité des femmes, non? Une haute mortalité des femmes. Et alors, beaucoup de femmes, non? Il y avait déjà une lutte pour les contraceptifs, non? Mais ils présument que la procréation, c'est une chose naturelle, non? Alors, dans cette façon, a commencé une critique féministe à Marx, non? On reconnaît que Marx nous a donné des instruments. Mais il nous a donné des instruments pour critiquer son travail. Alors, et bon, nous sommes partis vraiment de la description que Marx fait de la production de la force travail. Et alors, non, Marx ne le reconnaît pas, mais nous l'avons reconnu. La production de la force travail est surtout ce qu'on appelle et a appelé historiquement le travail domestique. C'est surtout dans les maisons, dans le travail domestique, non, qu'on va à reproduire la force travail. Non? Bon, c'est vrai que dans les périodes où Marx était en train d'écrire Le Capital, non? La plupart de la famille ouvrière travaillait dans les usines, non? Alors que les femmes faisaient, c'était un travail domestique très très réduit, très très réduit, non? Mais le travail domestique n'a jamais, non? Disparu complètement. Et ce que Marx n'a pas vu. Ce que Marx n'a pas vu, que ça c'est très étonnant, parce que Marx est fameux pour être capable d'anticiper beaucoup de choses qui se sont passées dans le siècle XXe, non? Il a anticipé la globalisation du travail et la globalisation du capital, non? Il a anticipé qu'avec la globalisation du capitalisme, non, il y aurait une paupérisation progressive, que ça que c'est en train de se passer maintenant. Mais il n'a pas vu que dans deux, trois décades, non, le capitalisme allait à construire une nouvelle famille prolétaire, non, fondée, basée, non, sur le travail domestique de la femme. Non. Marx, comme Engels, a été convaincu toujours que l'expansion des relations capitalistes, non, aurait à détruire les relations patriarcales. Non. Il y a beaucoup de lieux dans lesquels il le dit pratiquement. Il dit qu'avec l'expansion de l'industrialisation, avec l'entrée des femmes dans le travail industriel, non, aurait une majeure égalité entre les hommes et la femme. C'est la même chose, c'est la même erreur que Marx a fait, non, envers la question de l'esclavage. Non, dans tout son œuvre et dans son vie politique, Marx a critiqué naturellement, non, l'esclavage et le racisme. Il a été un abolitionniste, non? Par exemple, il a organisé le boycottage, non, de la production de coton en Angleterre pendant la guerre civile dans les États-Unis, non? Il a écrit comme leader de la Première Internationale. Il a écrit la carte, la lettre au président Lincoln. On va voir pourquoi. Bon, président Lincoln, pour se congratuler, non, se congratuler de la déclaration d'émancipation. Mais si on va voir les trois volumes du Capital, si on va voir le Greenleaf, on peut voir bien qu'il n'y a pas une analyse du travail d'esclavage, il n'y a pas une analyse de l'économie d'esclavage dans les plantations américaines et dans les plantations du Caribbean. Non, pourquoi? Il y a des références, non, à l'esclavage, mais c'est surtout à l'esclavage gréco-romain. Il n'y a pas de référence vraiment, il n'y a pas une analyse. C'est comme dire que Marx n'a pas vu que le travail des esclaves a été un moment très fondamental pour l'accumulation capitaliste et qu'il a continué à être un travail fondamental pour l'accumulation capitaliste. Il n'a vu, pour exemple, lorsqu'il parle de la reproduction de la classe ouvrière, que c'était dans les plantations américaines qu'il y avait la production des choses plus importantes pour la production. Par exemple, le coton, le sucre, le thé, le café, non, toutes choses qui étaient fondamentales pour la reproduction des travailleurs industriels, non, étaient produites par des esclaves. On ne les pouvait pas acheter. Non, dans le négoce de l'Angleterre. On ne les pouvait pas acheter en Angleterre. C'était une production d'esclaves. Comme c'est vrai que non, c'était dans la maison avec des rapports sexuels, avec des prostituées, etc., que les travailleurs se pouvaient reproduire. Alors, non, c'est une question très importante, non? Pourquoi Marx ne l'a pas vu? Il a été convaincu vraiment que l'esclavage allait disparaître avec l'expansion du capitalisme, que le patriarcalisme allait disparaître. Non? Il avait une conception très, très optimiste, non, de ce que le travail industriel pouvait faire. Non? Et il croit que le travail industriel va à mettre la base matérielle de la nouvelle société communiste. Alors je crois qu'il y a non, une mal compréhension non, de ce que la croissance du capitalisme, l'expansion du capitalisme allait faire envers les rapports sociaux. Non, il n'a pas vu que pendant peu d'années en Angleterre et aussi dans les États-Unis, non, le capitalisme, la classe capitaliste allait construire un nouveau type de famille, un nouveau type de patriarcalisme, un nouveau type de patriarcat, non, avec l'expulsion graduelle des femmes et des enfants dans la usine, non, de la usine, avec l'expulsion qui commence envers le 1880, dans quelques branches de l'industrie avant ça, avec l'expulsion de la femme, et peu à peu la construction d'une nouvelle famille, fondée, basée sur le salaire familial. Le salaire familial, c'est un salaire non, qui va à les hommes, à les travailleurs masculins, et qui est suffisamment grand pour soutenir une femme et des enfants qui ne sont pas travailleurs. Non? Alors, la construction de cette nouvelle famille prolétaire fondée sur le travail de reproduction des femmes, non? C'est un événement historique très, très important. Je en parle dans le livre. Non? Je crois que je l'ai ajouté à ma critique, notre critique, parce que j'ai Ce que j'ai dit a été le résultat d'un travail collectif, ce n'est pas seulement de ma tête, a été le résultat de tout un débat qui se sont faits dans le féminisme. Non, alors je l'ai ajouté parce que je crois que c'est très important, non, pour comprendre les limites de la pensée de Marx, qu'il n'a pas vu. Dans ce livre, non, il mentionne beaucoup de fois le travail des inspecteurs, qu'il y avait continuellement des inspecteurs qui allaient dans les usines à voir et faisaient des rapports sur le travail des femmes, sur le, des rapports qui dénonçaient beaucoup de fois, et c'était une dénonce, non, de les conditions pires, de les conditions mauvaises, non. Il y a dans ce moment, dans cette période, à la fin du siècle XIX, une préoccupation croissante dans le capitalisme, dans la société, entre les employeurs, parce qu'on pouvait voir qu'il y avait une classe ouvrière qui ne pouvait pas se reproduire, non, qu'il y avait une crise de reproduction. Non, les ouvriers à Manchester, dans les grandes villes industrielles, non, généralement, non, étaient vieux à 30 ans. On dit que la mortalité entre les ouvriers était 30-35 ans. Non? Et bon, c'est une période dans laquelle il y a un changement aussi dans le type de production. C'est le moment, non, dans la seconde moitié du siècle XIX, où il y a le passage de l'industrie textile, l'industrie légère, qu'on dit légère, à l'industrie qu'on dit pesante, lourde, lourde. Non, que c'est le carbone, que c'est le chemin de fer, que c'est toute une chose, non. Alors, il fallait un autre type de travailleur. Il fallait un autre type, non, pas tant qu'émacier. Non, c'était non, par exemple, toutes les fois qu'il avait besoin de soldats, il ne pouvait pas user les travailleurs industriels parce que les travailleurs industriels étaient tant débiles, comme on dit, tant faibles, que ils ne pouvaient pas être de bons soldats. Non? Alors, il y avait peur pour cette crise de reproduction. Il y avait aussi une grande préoccupation parce que les années, non, tout le siècle 19 est un siècle de protestes croissants. Bon, on commence ici. Pour moi, lorsque j'ai commencé à lire l'histoire de la lutte des classes, par exemple, les Journées de Lyon, le Canut, les Journées de Lyon, de 1830, était mythique. Non, beaucoup de gens pensent, j'ai lu un livre récemment, qui pense que les Journées de Lyon ont été le commencement de nouvelles relations entre le travail et l'État. Que c'est à partir de Lyon qu'il y a une reconnaissance par l'État du travail, de le droit du travailleur. Non, une reconnaissance très limitée. Parce que c'est à ce moment, on dit, je n'ai pas étudié bien cette période, mais on dit que c'est à partir de ce moment que se fait comme un pacte social entre organisations de travailleurs et l'État pour la reconnaissance du droit du travailleur. Mais une reconnaissance qui reconnaît seulement le travailleur salarié comme avoir des droits. Donc, c'est à partir de ce moment qu'il y a comme une explosion de tant de types de travail, comme le travail ménager, qui ne sont pas reconnus. Et que c'est, on commence à installer les travailleurs salariés et surtout les travailleurs industriels à partir de ce moment. Bon, mais pas seulement Lyon, il y a 48. 1848, que c'est un moment de grande peur dans toute l'Europe. Il y a la croissance du mouvement chartiste, il y a la croissance du mouvement syndical. Alors, un autre facteur pour la création de la famille, c'est la peur de la révolte, c'est la peur de la révolution. Yeah? Et aussi, un autre facteur aussi, c'est la peur que les femmes allaient perdre toute féminité. Non? Il y a beaucoup de rapports, non, des réformeurs déjà qui s'est posé dans une optique de réforme, qui était très préoccupé, parce qu'il voyait cette femme qui travaillait dans l'industrie, qui n'avait rien de féminin, non, qu'il avait perdu le sang de la maternité, non, qu'il fumait, qu'il non, et qu'il non, n'avait pas rien de non. Alors il y a cette préoccupation et on commence une petite révolution du point de vue du capitalisme. Révolution pourquoi? Parce que pour toutes les premières phases, non, de l'exploitation capitaliste, il y a une logique. La logique est de faire travailler les travailleurs le plus possible, extendre la journée laborale jusqu'à la nuit et baisser le salaire le plus possible. Alors, non, c'est pour ça que les gens pouvaient mourir à 35 ans, parce qu'il n'y avait pas pratiquement de reproduction. Lorsque tu as un salaire très bas et que tu travailles tout le jour, tu vas mourir très jeune. Non? Bon, ça se passe beaucoup de temps, maintenant aussi, hein? Malheureusement. Alors, ça commence une autre logique. Le capitalisme passe. Ah ah! Nous allons investir dans la reproduction des travailleurs. Non, parce qu'ils vont être plus productifs. Alors que c'est bon, augmenter le salaire, donner des conditions de vie meilleures, conditions plus hygiéniques, par exemple, non, parce qu'ils vont travailler mieux, ils vont être plus productifs. Non, c'est la logique de laquelle en Amérique on parle comme la logique de la reproduction fordiste. Non, la reproduction fordiste parce que le seigneur Ford, non, le patron de l'automobile, non, avait cette conception. Il a inauguré la journée laborative, non, avant la Première Guerre mondiale, de 5 dollars à la journée. 5 dollars, alors c'était une grande conquête, non? Mais il a fait aussi tout un travail pour contrôler la reproduction de son ouvrier. Il y avait des assistants sociaux qui allaient à la maison pour voir si la femme faisait, non, était capable de faire du manger bon, nutrient, si ça sera, et l'hygiène, non. Il se préoccupait beaucoup de le ménage familial parce qu'il voulait des ouvriers qui pouvaient être exploités intensivement. Ça, c'est le moment de la création de la famille prolétaire, de la nouvelle famille prolétaire basée, non, sur le travail domestique des femmes, non, sur l'investissement dans la reproduction, non. C'est une famille dans laquelle pratiquement le devoir de la femme, non, c'est de travailler pour reproduire le travailleur et pour reproduire bien et discipliner la nouvelle génération de travailleurs. Non? Alors commence ici un nouvel type de patriarcat. Non, le patriarcat n'est pas toujours le même dans tous les pays, dans toutes les périodes, dans tous les systèmes sociaux. Je dis que c'est très important, si nous parlons de patriarcat, voir, non, de que patriarcat nous allons en parler. Parce qu'il y a des éléments de continuité, mais il y a des différences qui sont importantes et qu'on doit connaître pour pouvoir lutter efficacement contre ça. Non? Alors le patriarcat capitaliste, c'est un patriarcat qui se soutient surtout avec la violence, avec la législation, mais se soutient, non, surtout sur la différence entre salaire et non-salaire. Non, c'est une le premier titre de ce livre que j'avais proposé, c'était « Le patriarcat du salaire ». On m'a dit non, va proposer ça, c'est mieux, j'espère. Mais j'avais choisi le patriarcat du salaire parce que je voulais souligner que dans le capitalisme, le patriarcat et le salaire est un instrument très fort du patriarcat. Alors la nouvelle famille est une famille où la femme est ménagère. Si elle fait d'autres choses, d'autres travaux, son premier devoir est d'être ménager. Non? Bon. Et où il y a une dépendance de la femme du salaire masculin. Non? La femme, c'est maintenant, ne prend pas son salaire directement, comme dans la usine, mais est dépendante. C'est la ménagère dépendante. Commence la dépendance des femmes. Le calvaire de la dépendance économique. Non? Et le salaire a une fonction que nous avons examinée, a une fonction très très importante, parce que à travers de la différence salaire non salaire, non, on peut naturaliser et invisibiliser le travail domestique, alors que le salaire a une fonction spéciale d'occulter tout un espace d'exploitation capitaliste. Tout un espace d'exploitation. C'est pour ça aussi, c'est une fonction qui va aussi dans les esclavages. Il y a eu beaucoup, beaucoup de débats si l'esclavage est un travail capitaliste ou non, non? Que c'est vraiment drôle, parce que c'est clair que l'esclavage a été un moment fondamental, non, de l'accumulation capitaliste. Non? Mais le pouvoir du salaire, de invisibiliser l'exploitation, de invisibiliser, non, les sujets d'exploitation et de le naturaliser. Et aussi, nous avons vu qu'à travers du salaire, non, le capitalisme a été capable de créer toute une hiérarchisation du travail, non? Une hiérarchisation. Il a été capable de créer des nouvelles inégalités, non? De donner un fondement nouveau à l'inégalité entre les hommes et les femmes, non? Alors, le salaire est un instrument de division. Non? Bon, et tout ça a commencé pour nous toute une analyse du travail domestique que nous avons fait. Bon, je portais ici une chose, un livre que j'appelle un livre archive, que j'ai publié récemment dans les États-Unis, qui recueille tout notre travail que nous avons fait dans le comité pour la campagne pour le salaire domestique dans les années 70. Mais je vais le montrer parce que j'aime beaucoup ça, de la Statue de la Liberté avec oui. Bon. Et nous avons fait toute cette analyse, non? Nous avons vu, nous avons fait une petite révolution, une grande révolution. Parce que nous avons dit, le travail domestique n'est pas un service personnel, n'est pas une réalité du monde médiéval. Le salaire domestique est production capitaliste, non? Et production capitaliste comme la production de l'usine. Non? Dans l'usine, on produit des marchandises, nous produisons le producteur. Nous produisons, non, la marchandise plus importante dans la société capitaliste. Non, le travailleur même. Sans le travailleur, il n'y a pas de travail. Sans le travail domestique de reproduction, il n'y a pas de travailleur. Alors, ce travail qui est tant invisibilisé, tant déprécié, jamais rémunéré, c'est le fondement, le soutien de toute activité qui se donne dans la société capitaliste. Alors, nous avons pensé, la maison, c'est une usine. C'est l'usine des femmes qui font le travail domestique. C'est une usine particulière parce que la maison va produire des travailleurs, des êtres humains, Non, même pas, ne produit pas des choses, mais il produit la fausse parole. Non? Et alors nous avons donné une vision très très différente des relations familiales, des relations amoureuses, sexuelles. Nous avons dit tout ça sont relations de production. Toutes ces relations sont relations de production. C'est pour ça, non, que toutes ces choses comme la sexualité, l'amour que nous dit, c'est la félicité. Non, non, c'est une souffrance pour les femmes. Nous avons dit, par exemple, que pour les femmes, la sexualité, le sexe, est un travail. Nous l'avons dit avant, non, avant qu'il y avait un mouvement de travailleurs du sexe, nous l'avons dit. La sexualité pour les femmes, c'est un travail. C'est une partie intégrante du travail domestique. Non, au soir, c'est le dernier devoir de la journée laborale pour la femme. Non? Bon. Alors, c'est vrai, hein? jusqu'à les années 90, non, 1980-90, on ne pouvait pas parler du viol dans la famille. Si tu allais dans un tribunal, on dit « Ah, mon mari m'a violé ». On te disait « Que ? Quoi ?» Non, parce que c'était non, avec le mariage. C'était très entendu qu'avec le mariage, ton mari gagne un pouvoir absolu sur le corps de la femme. Non, il y a fallu tout un mouvement pour dire non, il ne gagne pas. Le mariage ne doit pas être un rapport d'esclavage. Nous ne devons pas perdre le droit sur notre corps. Non. Alors, ça a été une lutte très dure pour le faire comprendre. Pour le faire comprendre. Non. Bon, nous avons fait aussi toute une analyse de la violence domestique. Nous avons vu que la violence domestique est tolérée par l'État, a été traditionnellement tolérée par l'État, parce qu'elle était fonctionnelle à régler, non, le travail domestique. Non, nous avons compris qu'à travers du salaire, l'État donne aux travailleurs salariés le pouvoir de contrôler, imposer, non, le travail de reproduction à sa femme. Non, l'échange, l'interchange qu'il y a avec le mariage. Bon, je te maintiens, non, je te soutiens, dit le mari, mais tu dois me reproduire. Ça, c'est le contrat matrimonial. C'est pas spécifié, mais ça, c'est le contrat matrimonial. Et alors, la violence, non, c'est toujours, non, un instrument nécessaire. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle ne veut pas cuisiner? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle ne veut pas faire de sexe à la soirée? Je suis fatiguée, je ne veux pas faire du sexe. Non? Et beaucoup de fois, le refus des femmes de cumplir avec le contrat matrimonial. Non, le contrat qui n'est pas verbalisé, qui n'est pas... Oh, Olympe de Gouges, vous vous rappelez d'Olympe de Gouges, la femme qui a été guillotinée et... Bon, elle avait dit, femme, ne vous mariez pas sans faire un contrat explicite. Elle a parlé aussi des droits des femmes, hein, qu'il ne faut pas faire seulement une déclaration des droits des hommes, mais qu'il faut faire une déclaration des droits des femmes. Mais elle a dit aussi, fais un contrat et va spécifier tous les droits et toutes les choses qu'on va espérer. Bon. Alors, nous avons fait cette petite analyse et pour nous, la conséquence de cette analyse a été le refus, non, de lutter, de poser au centre de la lutte féministe l'égalité avec les hommes ou non, l'objectif de pouvoir travailler. Non? Parce que, bon, l'égalité avec les hommes, clair que nous ne sommes pas pour l'inégalité. Non? C'est pas parce que nous soutenons l'inégalité, mais c'était pour dire que l'égalité n'est pas suffisante. Et égalité avec quel type d'homme? Donc, égalité avec les hommes ne sont pas égaux. Sont-elles égales? Elles ne sont pas égales. Alors, et les hommes ne sont pas libres, non? Ils sont exploités aussi. Alors, égalité avec les autres exploités, non? Et surtout, nous avons décidé qu'on ne pouvait pas changer dans une façon déterminante la position des femmes, non? Si s'adresser, non? Se rapporter à ce travail, à la question de la reproduction, à la naturalisation de la reproduction, à tout ce travail non payé qu'on espère de la femme, naturellement, non? Que si on ne veut aller pas se détacher, dénaturaliser ce travail, se détacher de ce travail. Et nous avons pensé qu'une façon très rapide de se détacher de ce travail et de le dénaturaliser et de le visibiliser, non, c'était de poser non, un salaire, c'était de poser un prix à notre travail. Non? Nous avons été accusés de insérer la femme dans la maison, non, mais je refuse tout ça. La campagne pour le salaire au travail ménager, c'était surtout une rechasse, un refus de travailler pour rien. C'était un refus du travail non payé, un refus de donner aux capitalistes toute notre énergie sans aucune rémunération. Et en échange de la dépendance économique des hommes, ou en échange de faire deux travaux. Parce que si tu ne vas pas à dénaturaliser le travail ménager, tu vas continuer à le faire, même si tu travailles dans une usine. La différence, c'est que tu ne vas le faire dans la nuit, tu vas le faire à la dimanche. Mais travailler hors de la maison n'a jamais signifié que les femmes vont terminer de travailler dans la maison. Alors bon, tout c'est ça, nous avons décidé de faire cette campagne. Et je crois, et je vais conclure ici, non, je crois que depuis beaucoup d'années, on peut voir que notre campagne était très sage. Parce que nous avons vu, non, que ce qui s'est passé maintenant, la majorité des femmes, au moins dans les États-Unis, même les femmes qui ont des enfants très jeunes, la majorité des femmes ont un travail extra-domestique. Et nous, nous voyons qu'il y a une crise très, très, très forte, une forte crise de reproduction. Non? Avant tout, avec le travail extra-domestique, la majorité n'a pas gagné d'autonomie. Il y a vraiment une minorité de femmes qui sont capables de se soutenir et bon, d'avoir des travails qui sont suffisamment créatifs. La majorité non, doit faire deux travaux pour pouvoir gagner suffisamment non, pour se soutenir. Et beaucoup, beaucoup de femmes, non, qui sont travailleuses hors de la maison, ont une dette énorme. Non, on a trouvé que dans les États-Unis, ce sont les femmes qui ont un travail salarié, les sujets qui ont le plus de dettes. Parce que le salaire, lui, le salaire, fonctionne comme une collatéral pour gagner une prête. Non? Le salaire n'est pas suffisant pour les soutenir, n'est pas suffisant pour gagner une autonomie, mais fonctionne pour lui donner la possibilité de prendre une prête de la banque ou d'une compagnie. Alors qu'une femme travaille, prend le salaire, il va prendre un prêt. C'est que c'est un prêt? C'est clair ce que je... Et le prêt qu'ils vont prendre a un taux d'intérêt très très haut, comme 50%. Alors c'est une vie qui n'a pas de futur, non? Et on ne voit pas de futur parce qu'on travaille tous les jours et en même temps, pas d'autonomie, non, pas de créativité, pas de vie sociale, beaucoup de travail que les femmes font hors de la maison ne te donne pas de la socialité, non, la rêve que hors de la maison il y a une vie sociale, beaucoup de travail ne te donne pas une vie sociale, et l'endettement continuait, un grand endettement. Et c'est pour ça que la situation des femmes est très, très mauvaise maintenant, la majorité, non? Il y a une grande dépression, beaucoup de femmes sont déprimées constamment, elles sont les majeurs consommateurs des antidépressants, non? Elles vont avec la pilule tous les jours, non? Il souffre beaucoup d'anxiété. Et le docteur récemment a découvert une nouvelle maladie. C'est la maladie de la monnaie. On l'appelle en anglais the money sickness syndrome. The money sickness syndrome. C'est tant diffusé qu'ils ont donné un nom. Non, the money sickness syndrome, c'est la maladie de l'anxiété qui vient de la peur de n'avoir pas d'argent. Alors, qui fait que tout est fait malade parce que tu toujours, c'est une, tu te tourmentes. Ok, bon. Et aussi la crise de la pollution, c'est pour voir, pas seulement avec les femmes, mais aussi avec les personnes majeures, avec les enfants, non? Et le nombre de gens qui se suicident, non? Bon, il y a vraiment une nouvelle crise de reproduction, non? Que nous pouvons voir dans tous les endroits. Et alors, je crois que le mouvement féministe, il y a une nouvelle vague, on dit, je crois que c'est vrai, que le mouvement féministe, non, aujourd'hui, met la reproduction au centre de la politique féministe. Je crois que pour beaucoup de temps, le mouvement féministe a oublié la production, la reproduction. Qu'il y avait une illusion qu'en luttant pour gagner des travaux traditionnellement masculins, non, on pouvait s'émanciper. Et alors, on a beaucoup de fois abandonné la question de la reproduction. Je ne dis pas que les femmes doivent travailler seulement dans la maison, pas du tout. Mais je dis qu'il ne fallait pas abandonner comme on l'a fait le terrain de la reproduction. Et je crois que c'est une question ouverte aujourd'hui qui doit être au centre de la politique féministe. Et je crois que commencer toute une lutte de réappropriation, une lutte pour faire que le travail de reproduction peut avoir plus de ressources, non? Que d'obliger l'État à nous donner des ressources pour ce travail et que ce travail ne soit invisibilisé continuellement et aussi pour changer les formes de ce travail. Récemment, j'écris beaucoup sur la question de le commun, non? Le commun comme principe d'organisation de la société, qui a beaucoup de formes, de types de réalisation. Mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est le commun dans la sphère de la reproduction. Non? Commencer à construire, à bâtir des formes de reproduction plus communautaires. Non? Pour rompre l'isolement dans lequel nous sommes posés, dans la société capitaliste. On peut dire ce qu'on veut, mais dans le féudalisme, il y avait des relations communautaires. Les femmes toujours travaillaient ensemble. Non? La question du laver, des choses. Bon, il y avait beaucoup de rapports communautaires. Maintenant, avec la société capitaliste, toujours plus, ils nous ont individualisé la reproduction. Ils nous ont séparés l'une des autres. Non, ils nous ont insérés dans la maison. La maison s'est convertie dans une petite caserne, dans une petite prison. Alors je crois qu'on fait rompre le mur. Il faut commencer à faire des formes de reproduction plus communautaires. Et je, dans mon dernier livre, j'ai écrit beaucoup sur des expériences que déjà les femmes sont en train de faire. Surtout, je pense surtout à des expériences dans l'Amérique latine, non, où il y a, par exemple, des lieux comedores populaires. J'ai besoin d'une traduction de lieux comedores populaires, comment on peut dire? Popular kitchen. Ok, non? Où on va le faire collectivement, non? Les jardins urbains, beaucoup de choses. Mais c'est le principe qui est important, pas seulement la chose, mais c'est le principe, non? On peut l'appliquer dans beaucoup de formes, non? Parce que je crois que reconstruire des relations communautaires dans la reproduction est aujourd'hui plus que jamais essentiel, soit pour la survivance, mais aussi pour l'organisation politique, aussi pour la lutte. Non? J'ai compris, comme d'autres femmes, qu'il n'y a pas une lutte qui peut se soutenir dans le temps si elle ne va à rejoindre ce que beaucoup d'organisations de la gauche ont séparé, que c'est le moment de la proteste, le moment de la lutte, du moment de la reproduction sociale, du moment de la reproduction de la vie. Non, une organisation politique, une lutte, un mouvement qui n'est pas capable de rejoindre, non, la reproduction et la lutte, qui ne comprend pas que pour lutter, on doit changer la vie quotidienne, je crois qu'il y a un mouvement qui est destiné à perdre. Et je crois que le grand contribut que le mouvement féministe a donné et peut continuer à donner, et ça, vraiment. C'est une contribution qui n'est pas seulement des féministes. Je crois que tout le peuple indigène, le natif américain, qui ont des régimes communautaires de vie, l'ont compris. On comprend qu'il faut, pour pas seulement se soutenir, mais aussi pour lutter et pour changer le monde, il faut mettre notre vie ensemble. Merci. Et le tirer avec vous tous, le tirer de là où il est caché, les violences sexuelles incestueuses et les violences vis-à-vis des enfants. Ça, c'est un pan entier du patriarcat qui aujourd'hui est sous silence, tabou, on n'en parle pas, un terrain déserté par toute la gauche, l'extrême gauche, les féministes. Il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est une vision que je sais, que j'ai durement expérimentée. Les violences sexuelles incestueuses sont beaucoup plus répandues qu'on ne l'imagine. Mm-hmm. Il y a une association qui s'appelle AIVI, l'Association internationale des victimes de l'inceste, qui fait un travail fabuleux sur ce problème de l'inceste, qui arrive à mettre peu à peu au jour à quel point ce phénomène est énorme et dépasse l'oppression des femmes. Quand on regarde les chiffres, c'est hallucinant, c'est terrifiant. La majeure partie, quand on regarde les statistiques, des violences sexuelles, des agressions sexuelles contre les enfants, c'est 75% sont sur des enfants, sur des jeunes femmes mineures et aussi des petits garçons. 70 ou 80% des agresseurs sont des proches. On avance tout doucement, petit à petit, et je pense qu'on avancerait mieux sur ce sujet si enfin on s'y attelait tous et toutes. Oui, déjà merci, j'ai appris plusieurs points intéressants. J'avais beaucoup de questions, mais j'en ai sélectionné deux. La première, c'est à l'échelle personnelle, qu'est-ce qui vous a poussé à adopter une lecture marxiste, matérialiste du féminisme? Pourquoi s'être retourné vers le marxisme alors que vous auriez pu adopter beaucoup de grilles de lecture? Et deuxième point, est-ce que vous avez, avec vos amis, étudié ou vous êtes intéressé à la lecture anarchiste du féminisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Étudiant les deux, je trouve que justement on a des penseurs, femmes et hommes, qui ont vu beaucoup plus de choses que les marxistes sur la question de l'oppression de la femme. Et ça m'intéresse de savoir ce que vous avez étudié ou pas. Non. Moi j'ai juste une petite question par rapport aux formes de reproduction plus communautaire. Voilà, on parle des camps, des cantines communautaires. Voilà, donc on parle quand vous me parlez des cantines communautaires. Je me posais la question justement voilà, par rapport à comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce travail laboral dont vous parliez tout à l'heure et finalement arriver à ces lieux de commun sans avoir la coupe du salaire. Est-ce que vous avez réfléchi à des formes un petit peu là-dessus, des formes d'organisation où les formes d'organisation communautaire sont récompensées ou valorisées par autre chose que par le salaire, puisque si du coup le salaire oppresse, comment s'en libérer dans les formes communautaires d'organisation? Oui. Alors tu as raison, je crois qu'en général, pas seulement dans la question d'une inceste, comment ça s'appelle, mais qu'en général, la violence contre les enfants et toute la problématique de l'enfance n'a pas été abordée pour les mouvements sociaux et aussi pour les mouvements féministes. Et il y a vraiment, parce que je le dis plus en plus, que si nous voulons pour mettre la lutte contre la violence contre la femme au centre de notre politique, il faut ajouter immédiatement la violence contre les enfants. Et aujourd'hui, je m'occupe surtout d'un autre type de violence, que c'est la violence institutionnelle, non? Que c'est la violence qui se fait contre l'État uni, contre les enfants noirs et contre les enfants prolétaires. Non? En général, contre les enfants prolétaires, surtout, non, qui bon, est une violence qui prend beaucoup, beaucoup de formes. Non? Avant tout, la précarisation de la vie de sa famille, alors que non, toute cette peur, les gens vivent avec la peur, l'anxiété, non, qui se transmet aux enfants. Et alors, non, sa capacité d'étudier, de faire des choses, non, va à souffrir. Et aussi, il y a une réforme de l'école publique qui a coupé toute chose qui peut être intéressante pour les enfants. Mais alors, c'est-à-dire que, non, les programmes économiques d'aujourd'hui vont à pénaliser l'enfant beaucoup, beaucoup. Non? Et la réponse des enfants, non? Qui c'est un malheur, non? A été médicalisée. Et aujourd'hui, dans les États-Unis, que c'est une chose unique, sans précédent, vraiment sans précédent historique. Non? Plus de 8 millions des enfants de l'âge 3 à 10 ans sont classifiés comme qu'ils ont des maladies mentales. Non? On parle de millions et ils lui donnent des pharmacos, non? Si. Pour le manque d'attention à l'école, pour la dépression, pour l'hyperactivité, non? Alors, on a découvert que les enfants sont des malades mentaux. C'est une chose incroyable. Non, c'est une chose incroyable. On ne se préoccupe pas de penser quelles sont les conséquences sur la période, la longue période de toute cette médecine. Non? Il y a des enfants à 4 ans, déjà, ils prennent 4-5 pilules au jour. Non? Et l'école, les écoles sont. Il y a une complicité absolue. Non? Bon. Et aussi, bon, c'est une chose très grave, non? Que la séparation aussi des enfants de la famille. Par exemple, non, c'est continuel que lorsqu'une mère non, va au cancer, même pour peu de jours, on ne va séparer de son enfant. Et l'enfant non, est mis dans une famille, dans une autre famille. Alors la séparation, ça je l'ai vu en Italie aussi, hein, avec les enfants des femmes migrantes. Non, ça c'est plutôt ce qui se passe maintenant, je ne sais pas ce qui se passe en France. Mais en Italie, ce qui se passe, si une femme migrante perd son travail, non, parce que non, la compagnie d'où elle travaille va à l'étranger, non? Et elle va à demander un peu d'aide pour ses, non? Le matin, le jour après, les assistants sociaux vont à sa maison, ils vont prendre les enfants en disant « Tu ne les peux pas, tu n'as pas les moyens économiques, alors nous allons prendre ton enfant. » Ils ont créé une chose qui s'appelle la maison de l'enfant. La maison de l'enfant, où ils vont insérer tous ces enfants qu'ils ont volés, vraiment volés, séquestrés, du femme migrante. Non? Et le gouvernement donne à la femme un peu de mois pour démontrer qu'elle peut soutenir. Alors, tu vas t'imaginer la situation de cette femme. Elle va accepter, non, tout le travail qu'elle peut trouver pour récupérer son enfant. C'est une chose tant cruelle, la cruauté de la politique familiale, de la politique, non, aujourd'hui est incroyable. Alors tu as vraiment raison et j'espère que la politique féministe va mettre la question de l'enfance non, au centre de notre mobilisation. Et l'autre, le marxisme, pourquoi le marxisme? Pourquoi? Bah, je ne sais pas, mais je suis vécu dans l'Italie, dans la période de la post-guerre, dans une cité communiste. Le marxisme, le communisme, c'était la quotidianité, non? J'ai vécu à Parme, qui était une cité pour beaucoup, beaucoup d'années, était communiste, alors, et la gauche était très importante. Il y avait une culture où la gauche, le marxisme, non, était la culture dominante. Alors, je crois il n'y avait jamais eu une décision. Il n'y avait même une décision. Et bon, l'anarchisme aussi, l'anarchisme c'est très intéressant, et dans le mouvement féministe américain, les anarchistes, comme Emma Goldman, étaient très importants. Le mouvement féministe américain, dans sa première phase, était anarchiste, n'était pas marxiste. Le marxisme, les organisations marxistes, socialistes, se sont développées plus tard. Mais la première vague était anarchiste, non? Et alors, bon, c'est bon. Bah, ce que j'aime ou qui est très important pour moi, vu comme du marxisme, est l'analyse du travail, est l'analyse de l'exploitation, c'est l'analyse du capitalisme. Et réellement, il y avait un moment de l'histoire où communisme et anarchisme n'étaient très séparés. La séparation a été plus tard, non? Alors je crois que... je ne suis pas marxiste maintenant. Je ne m'identifie pas juste le marxisme. Je crois que le marxisme... Non, le marxisme, le travail de Marx. Alors, je veux faire une différenciation entre marxisme et le travail de Marx. Je crois que Marx est très important aujourd'hui aussi, même qu'il n'a pas vu les choses fondamentales. Je refuse complètement, par exemple, l'idée non, que le capitalisme, historiquement, a eu une mission historique. Non, qu'elle était un mal nécessaire pour l'humanité, non, pour créer les conditions matérielles pour le communisme. Ça, je le refuse, ne me plaît pas. Je aussi n'aime pas l'idéalisation que Marx fait du travail industriel, non. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences de ce travail industriel. Nous voyons que le capitalisme non, n'est pas capable de donner non, la vie, la prospérité, la reproduction à la majorité de la population du monde. Non. Et au lieu de créer la base matérielle, est en train de détruire les bases matérielles de notre vie. Alors, ben je crois que ben je serais curieuse de savoir ce que Marx aurait dit aujourd'hui. S'il pouvait voir deux guerres mondiales, non, s'il pouvait voir, il croyait que l'accumulation, que la violence, non, était surtout la première phase du capitalisme. Elle n'a pas vu que la violence et surtout les grands déplacements, non, les grandes vagues de paupérisation, c'était un facteur structurel. Comme je crois que le sexisme et le racisme sont facteurs structurels d'une société capitaliste. Que le capitalisme, pas seulement va accumuler la force de travail, il doit accumuler des inégalités. Non? Il va accumuler des hiérarchies, des divisions, des inégalités. C'est pour ça que le capitalisme a été capable de se perpétuer dans le temps. Non? Malgré toute la misère, tout le monde sait que c'est un système injuste. Non? Qu'il y a une grande misère, une guerre permanente. Non? Je venais à... J'ai marché de la station jusqu'ici. Et avant de croiser le pont, non, je passais pour une souterrain. Vous le connaissez, le souterrain? Vous l'avez vu? Il y a beaucoup de gens qui vivent là. Maintenant, la première chose que j'ai vue, c'était des enfants et des gens qui vivent là, non? Enfin, allez, je me dis, oh mon Dieu, j'étais content, non, qu'il n'y avait pas un taxi. Parce que je me dis, ah, je n'aurais pas vu ça. Je ne l'ai pas vu, non? Dans une cité qui semble... Mais c'est la même chose dans les États-Unis. Je crois que si les choses ne vont pas à changer, tous les gens vont dormir dans la rue. Parce qu'il y a vraiment mille et mille de personnes dans toute la ville qui vivent dans la rue maintenant. La femme, non? Je dis que les femmes, non, toutes ont un travail, mais c'est un travail informel. Ce qu'on appelle le travail informel, que ce n'est pas un travail salarié, mais que c'est le travail que la plupart du monde maintenant fait dans les grandes banlieues de l'Amérique latine. Non? En faisant aussi ce travail informel, non, elles se forment des groupes qui vont se responsabiliser pour la reproduction sociale. Parce que l'État, non, ne fait rien. Elles ne peuvent pas compter sur l'État pour, non, beaucoup de choses. Et alors, elles ont commencé, non, force de la nécessité. Assez, non, à mettre ensemble et faire ces choses, comme les jardins urbains, approprier du territoire, cultiver, faire des manger, non, ensemble, faire des choses pour les enfants. Alors, créer une conception, une organisation collective de la vie, non, pas séparée, comprenant que sa chance de survivance est, non, la collectivité. Ça. Il y a autre question? J'ai une question concernant, du coup, la communauté dans la sphère de la reproduction. Ça veut dire que le travail reproductif et le travail de soutien des enfants dans tout les jardins communautaires, les cuisines communautaires, le travail incombe quand même aux femmes, revient toujours aux femmes dans... on part quand même d'une situation de départ où elles ont des enfants et où elles n'ont pas d'autres possibilités, et donc elles s'organisent entre elles. Mais du coup, où sont leurs hommes, leurs maris, etc. dans ce travail d'organisation et de soutien de survie, en fait. Mm-hmm. Et donc, okay. Ma question, elle est un peu... Dans votre présentation, en fait, on parle que des femmes, ouais, ouais, dans le soutien et dans la survie des enfants par rapport au travail de reproduction. Mais du coup, c'est plus une... Oui, oui, je comprends. Une autre question? Ma question porte plutôt sur l'histoire du féminisme italien. Oui. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez de l'expérience qui était la librairie de l'art de Milano, Ida Faré et Carla Lonzi, qui par exemple aujourd'hui sont très contestés par un certain féministe français. Et je voulais savoir comment vous avez intégré cette pensée-là dans votre charpente. Une autre question? Oui, tout simple, c'est, vous avez dit pour créer cette vie communautaire, il faut qu'il y ait une base matérielle. Vous avez dit approprier du territoire, mais approprier du territoire, c'est plutôt exproprier du territoire. Enfin, il y a une lutte, comment on fait pour conquérir ces territoires où on va pouvoir organiser la vie communautaire. On se retrouve du coup à la vanguarde pour exproprier. Ok. Bon, alors c'était... naturellement, non, c'est, serait fantastique que les hommes pouvaient s'ajouter, je parlais toujours des femmes, parce que ce sont les femmes qui sont en train de lutter sur la production. Et bon, je comprends que c'est vraiment un idéal que je... Comment dire, compartir comme partager le travail domestique de la personne avec les hommes. Je n'ai jamais voulu dire que c'est seulement les femmes qui sont intéressées, mais je crois que ce sont les femmes qui sont en train de lutter pour ça, non? Parce qu'elles sont le sujet, jusqu'à aujourd'hui, sont le sujet principal de ce travail. Alors, nous sommes en train d'espérer que les hommes le font, non? Et je crois que la lutte pour convaincre les hommes, c'est très haute, non? Il y a beaucoup de luttes pour faire que les hommes vont partager ce travail. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont en train de s'organiser parce qu'elles sont les plus intéressées à changer les formes de ce travail. Je crois que c'est pour ça que pour beaucoup de femmes, la question de la reproduction, non, à niveau populaire aussi, est fondamentale parce qu'elles sont les plus responsables sur ce travail. Naturellement, ce peut changer, ce doit changer. Et lorsque j'ai parlé, par exemple, des formes communautaires, non, des choses collectives où on va à faire de manger comme ça. Non, il y a aussi des hommes, mais la majorité sont des femmes. Non, parce que c'est une lutte quotidienne. Pour beaucoup de femmes, c'est une lutte quotidienne de convaincre son copain. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes, les hommes jeunes, font plus de travail domestique que dans le passé. Il y avait un temps où les hommes tenaient honte, non? Si on allait aider sa femme à faire le travail, elle avait honte qu'un autre homme pouvait le voir. Il y avait vraiment honte de faire le travail domestique. C'était comme un déplacement. Non? Je crois que ça n'est pas vrai aujourd'hui pour les gens. Je crois que ça a changé. Moi, je crois qu'il y a un grand travail à faire, non, pour convaincre, parce que ça, il y a toujours une grande division sur cette thématique. Non? Alors, ce n'est pas qu'un programme que soit toujours la femme, mais c'est une réalité. Et si les femmes ne se mobilisent pas, rien va changer. Parce que nous pouvons espérer que les hommes se vont mobiliser. Si nous voulons espérer ça, on peut passer un autre siècle. Et alors, la seconde de ma... Pour les Italiens, non? Vraiment, je vais vraiment parler de la situation en Italie parce que j'ai laissé l'Italie dans le 67, avant du féminisme, non? Alors, je n'ai pas ma relation avec le mouvement féministe en Italie. A été la relation avec la campagne pour le salaire du travail domestique. Mais je n'avais pas une relation avec la librairie des femmes. Je crois que tu parles des femmes qui s'identifient avec la théorie de la différence. Bon, moi, je n'avais pas beaucoup de sympathie pour ce type de féminisme. Non, j'ai toujours aimé un féminisme matérialiste. Non, un féministe qui s'occupe de l'exploitation, du travail, etc. Alors, la théorie de la différence pour moi, et je ne connais pas beaucoup le travail de ces femmes. J'écoute, on me dit la librairie des femmes, mais ce n'est pas une chose que je connais. Et l'autre, l'expropriation. C'est vrai, non? Beaucoup de fois, cette expérience des collectivités, non? Des collectivisés, des communes, faire comme le commun dans la reproduction, vient des gens qui ont approprié du territoire à la périphérie de la grande ville, non? Parce qu'il avait été expulsé de l'espace rural, ou il était migrant, non? Par exemple, dans Santiago de Chile, ou Buenos Aires, il y a, on appelle la villas. Villas, ils ont commencé, ou favelas, en Brésil. Ils sont commencés dans les années 1960, lorsqu'elles sont la conséquence de l'industrialisation et privatisation de l'agriculture, de la révolution verte, non, qui a déplacé beaucoup, beaucoup de gens, qui a été obligé à s'urbaniser. Et en s'urbanisant, ils n'avaient rien, non, ils n'avaient rien, alors ils ont créé une vie nouvelle qui maintenant signifie des grandes villes, parce qu'il y a des encampements qui sont très larges, avec mille et mille de personnes. Et la femme en fait un travail très fort, très important, pour créer, recréer une communauté, et pour créer de nouvelles formes de, non, en combattant avec l'État, avec la municipalité, pour prendre l'eau, pour faire que l'eau vienne dans le quartier, pour bâtir des rues. Il n'y avait pas de rues, non? J'ai rencontré des femmes, comme on dit, qui maintenant, elles sont en train d'apprendre à bâtir, à faire des logements, non? Mais surtout, ils ont créé des fonds collectifs, non, pour les enfants, pour la santé, non, un travail collectif pour récupérer des formes de médecine traditionnelle, non, pour mettre ensemble sa connaissance médicale et pour donner une première aide, non, lorsqu'il y a des problèmes, pour la prévention, pour n'être pas obligé à dépendre du marché, n'être pas obligé à aller toujours à l'hôpital, non, parce qu'on sait, non, le manque d'argent, mais aussi l'hôpital, beaucoup de fois, ne te donne pas le service de quoi tu as besoin, non. Et alors, il y a des choses très, très intéressantes que je vis, non, et cette femme ne font pas seulement un travail de reproduction. Le travail de reproduction est là, mais aussi avec la responsabilité pour la communauté vient une sagesse politique, une connaissance politique très importante. Et ça, c'est que ma, non, vraiment, elles font un travail politique. Elles font un travail de formation politique. Elles font une école, non, elles lisent des choses. Ils font des groupes musicaux, ils font un travail culturel. C'est pas seulement, non, de cuisiner, c'est pas seulement de cuisiner et de laver, non. C'est mettre ensemble les décisions, non, sur notre vie, non. Et ça, pour moi, a été une grande inspiration. Parce que je crois que cette division, bon, on sait, aussi, j'ai étudié l'histoire, non, de la reproduction dans les États-Unis et j'ai vu que surtout après la Seconde Guerre mondiale, non, il y a eu un programme plus très, très, très déterminé de l'État de reconstruire la reproduction dans une façon totalement isolante, que te sépare, non, avec la construction de suburbia. Comment on parle suburbia? La banlieue, non, est la même chose. La petite maison, non, tu sais, la périphérie des États-Unis où il y a toutes les petites. Bon, parce que, non, il y a un livre d'une féministe américaine qui s'appelle Dolores Cage, qui s'appelle Redesigning the American Dream, non, Redesigning the American Way. C'est très intéressant parce qu'elle examine cette période à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était une période de crise pour le capitalisme, non? Pourquoi? Parce qu'il y avait tous ces soldats, beaucoup, beaucoup de soldats, milliers de soldats, qui allaient régresser aux États-Unis. Elle avait allé à lutter pour la démocratie. Elle avait allé lutter pour combattre le fascisme, pour la démocratie, tout ça. Non? Et bon, et il régresse, il retourne, non? Et il avait développé pendant la guerre, comme beaucoup de fois, il avait développé une camaraderie, non? Une vie collective, non? Parce qu'il était très, très, il savait dans la guerre que ma vie dépend de ta vie, non? Il devait, alors le problème, non? Alors le problème, non? Cet homme sont radicalisés. Nous sommes accoutumés à la collectivité, à la solidarité. Ils sont habitués à la solidarité. Comme allons-nous à le séparer? Comme allons-nous à le individualiser? Alors, le génie de l'État, la maison, ils n'ont dit. Mais tout ça est documenté, hein? Tout ça est documenté. Pour individualiser les gens, lui donne une maison. Ils ont facilité la propriété privée de la maison. Ils ont bâti tant petite maison, une séparée de la autre. Ils ont considéré politiquement tous les éléments de la maison. Même un petit jardin en front de la maison, pour que les hommes, si les hommes avaient un peu de temps, ils n'allaient pas au syndicat, ils n'allaient pas, non, à se rencontrer avec son copain, mais ils pouvaient, compter la pelouse. Et alors, non, ils ont dit, la propriété privée d'un appartement ou d'une petite maison, c'est la meilleure chose contre la lutte des classes, contre le communisme. Et ils l'ont fait. Ils ont fait un programme que acheter une maison était moins cher que le renter. Non? Et bon, ainsi, c'est construit, c'est bâti un nouveau type d'urbanisation, un nouveau type d'urbanisation. Non? Ce que se passe maintenant dans beaucoup de lieux de l'Amérique latine, qui s'est passé avec les appropriations des terres, c'est le contraire. Les gens vont à mettre ça.